Chapitre 7e, Message. Le retour du chirurgien l'attira bientôt de cette espèce de léthargie. Il avait amené avec lui un médecin pour consulter ensemble sur l'état de Madame Delville. Cécile attendit avec une impatience mêlée de crainte le résultat de cette consultation. Le médecin ne dit rien de positif. Ayant donné son ordonnance, il réitéra l'ordre du chirurgien, recommandant qu'on la laissât tranquille et que, sous aucun prétexte, on ne souffrit qu'elle parlât. Cécile, quoique touchée de l'accident qui occasionnait cet ordre, fut cependant bien aise qu'il l'exemptât d'une conversation que ses chagrins lui auraient rendue pénible. La digne Madame Charlton apprit avec une véritable peine les événements de la matinée. Elle chargea ses petites filles d'aider sa jeune amie à faire les honneurs de sa maison à Madame Delville et ordonna qu'on préparât un autre appartement pour Cécile, à qui elle prodigua toutes les consolations que son zèle et son amitié purent lui suggérer. Cécile, tout affligée qu'elle était, pensait cependant trop noblement pour n'écouter que ses douleurs, dans un temps où il était question d'agir pour soulager celles des autres. Tout son temps fut employé à soigner ces deux malades, partageant également son attention entre elles. Deux jours entiers se passèrent dans cette situation, durant lesquels elle fut constamment occupée auprès d'elle, et ce qui, en tout autre temps, l'aurait extrêmement fatiguée, devint alors le seul soulagement qu'elle put recevoir. Madame Delville, visiblement affectée de sa tendresse vigilante, paraissait aussi attentive que Cécile à observer la défense qu'on lui avait faite de parler. Elle ne s'informa pas même de son fils, quoique ses regards qu'elle ne manquait jamais de fixer sur la porte toutes les fois qu'elle s'ouvrait, témoignassent l'espérance ou la crainte qu'elle avait que ce ne fût lui qui entrait. Cécile aurait voulu l'informer de ce qu'il était devenu, mais elle redoutait de prononcer son nom. L'arrivée du docteur Leicester lui fut fort agréable. C'était sur lui qu'elle fondait toutes ses espérances pour la guérison de Madame Delville. Il la fit prier de descendre pour s'informer s'il était attendu, et apprenant que non, il la chargea de l'annoncer, craignant dans cette circonstance que la plus petite émotion ne fût dangereuse. Elle remonta et dit « Votre médecin de confiance, madame, le docteur Leicester, est arrivé, et je suis enchanté qu'il puisse vous donner ses soins. » « Le docteur Leicester, s'écria-t-elle, qui l'a envoyé chercher ?» J'imagine que c'est M. Delville qui a été lui-même mon fils. Serait-il donc ici ?»« Non. Au moment où il vous a quitté, il est allé chez le docteur Leicester et celui-ci est venu seul. » »« Vous a-t-il écrit ?»« Non, en vérité, il n'a pas écrit. » »« Il ne vient point. Soyez satisfaite, il ne m'écrira plus. » »« Il ne reviendra plus ici. » »« Incomparable jeune homme, » s'écria-t-elle d'une voix à peine intelligible, « que sa perte est cruelle. » »« Malheureux Mortimer. » Quelle destinée, quelle récompense! Elle soupira et se tut. Mais cette conversation, la seule qu'elles eussent eue depuis sa maladie, l'agita au point que le docteur qui entra dans ce moment la trouva faible, tremblante et fut alarmée de son état. Cécile saisit cette occasion qu'elle attendait avec impatience pour se retirer et à la réquisition du docteur Leicester, elle envoya chercher le médecin et le chirurgien dont on s'était déjà servi. Après qu'ils auraient été quelque temps auprès de la malade, ils passèrent dans une autre chambre pour consulter. Quand ils eurent fini, le docteur Leicester fut joindre Cécile et l'assura que la vie de Madame Delville n'était point en danger, mais qu'il fallait encore 8 jours de repos pour qu'elle fût en état d'être transportée. « Ayez soin, dit-il, je vous prie, que rien ne trouble sa tranquillité, que personne ne l'approche, pas même son fils. » Soit dit en passant, il m'attend à l'hôtellerie, j'ai encore quelque chose à dire à sa mère, et je partirai. Cécile apprit avec satisfaction l'inquiétude de Delville pour sa mère et sa constance à l'éviter elle-même. Lorsque le docteur descendit, il dit qu'il resterait jusqu'au lendemain. « Et j'espère, ajouta-t-il, qu'avant 15 jours, elle sera en état de se rendre à Bristol. » « Cependant, ma bonne jeune demoiselle, en lui continuant vos soins, ne négligez pas votre santé. Je ne suis pas aussi content que je le voudrais de votre visage. » J'avoue que ce compliment est bien d'un homme qui ne se pique guère d'être à la mode, mais... « Dites-moi, je vous prie, qu'avez-vous fait pour être si pâle ?»« Rien, » repartit-elle un peu confuse. « Mais n'auriez-vous pas besoin de prendre du thé ?»« Mais oui, je crois que je ferai bien. » »« Et pendant ce temps-là, que deviendra mon jeune ami ?» Cécile comprit ce qu'il voulait dire. Elle rougit et ne lui répondit point. « Il m'attend à l'auberge, » continua-t-il. « Mais comme je n'ai point encore vu de jeune homme que je préfère à cette jeune demoiselle, » Si vous persistez à vouloir me donner du thé, il est certain que je lui manquerai de parole. Cécile en fit servir. « Eh bien, songez, dit-il, que vous répondez de ma faute et que c'est vous qui m'empêchez de remplir ma promesse. Je lui dirai que vous m'avez pressé, et si cela n'est pas suffisant pour m'excuser, je le prierai d'essayer s'il aurait plus de force que moi, et s'il pourrait mieux vous résister. Mais y aurait-il un grand inconvénient pour vous si je l'envoyais chercher et lui faisais dire de venir nous joindre ?»« Je pense, répondit-elle en hésitant, qu'il se pourrait fort bien qu'il ne le pût. Allons, allons, mon intention n'est point de vous engager à une fausse démarche. Excusez mon ignorance, je me connais fort peu en étiquette, surtout celle des jeunes demoiselles. C'est une science trop compliquée pour laquelle il faudrait plus de temps que nous autres gens occupés ne pouvons y en mettre. Cependant, quand j'aurai une fois renoncé à composer des ordonnances, j'en ferai une étude particulière pour que vous consentiez à m'en donner les premiers éléments. » Cécile ne répondit point. Il lui était également impossible d'envoyer chercher Delville ou d'expliquer les raisons qui l'en empêchaient. Le thé n'était pas encore pris lorsqu'on remit un billet au docteur. « Tenez, voyez, s'écria-t-il après qu'il l'eut lu, combien il est agréable d'être jeune. En vérité, M. Mortimer sent aussi bien en étiquette que vous, car son billet n'est que pour s'informer de la santé de sa mère. » Cécile, connaissant bien les motifs louables et honnêtes qui retenaient Delville, eut peine à s'empêcher de le justifier. Le docteur répondit sur le champ à son billet, et avant que de quitter Cécile, il voulut avoir un entretien particulier avec elle. Elle n'avait point encore soupçonné son intention, elle fut fort inquiète de savoir ce qu'il avait à lui faire savoir. « Madame Delville, dit-il, quoique je l'ai empêché de prononcer plus d'une vingtaine de mots, en a employé 10 à m'apprendre que vous vous étiez conduite avec elle comme un ange. « Cela ne m'étonne pas, lui ai-je répondu, car sans cela, pourquoi en aurait-elle la figure ? Je l'ai donc assuré que rien n'était plus naturel, et pour vous montrer que je le crois, je vais vous éprouver. La vérité est que je me trouve chargé d'une petite commission et je suis fort embarrassé comment m'y prendre. » Cécile, inquiète et alarmée, le pria de s'expliquer. Il quitta alors le ton badin avec lequel il avait entamé la conversation, et après un préambule honnête et sérieux, qui prouvait combien il craignait de lui faire de la peine, et l'idée avantageuse qu'il s'était formée de son mérite, il lui avoua qu'il n'ignorait point la position dans laquelle elle se trouvait à l'égard de la famille Delville. « Grand Dieu ! » s'écria-t-elle en rougissant. « Et qui ? J'en étais informé, répliqua-t-il, depuis le moment où je fus appelé au château de Delville, lors de l'indisposition de M. Mortimer. Il ne put pas me dissimuler que le siège de sa maladie était au cœur, et il ne me fut pas difficile d'en deviner la cause lorsque je vis celle qui habitait alors la maison. Il s'aperçut que j'avais découvert son secret, et en lui conseillant un voyage, il comprit d'abord mon intention. Sa sincérité et la fermeté mâle qu'il témoignait en vous quittant me firent croire que le péril n'existait plus. Mais la semaine dernière, ayant été appelé au château pour M. Delville, qu'une violente attaque de goutte tourmentait, et que le trouble et l'agitation extraordinaire de son esprit pouvaient rendre fâcheuse, je priai Mme Delville d'employer tout le crédit qu'elle avait sur lui pour le calmer. Malheureusement, son émotion était encore plus forte que celle de son époux. Elle me déclara qu'elle était obligée de le quitter, et m'enjoignit de lui donner tous les moments dont il me serait possible de disposer. Je restai donc auprès de lui pendant l'absence de madame, et dans le cours de nos entretiens, il m'avouait le chagrin cruel qui le dévorait, causé par les nouvelles qu'il venait d'apprendre de son fils. Cécile aurait voulu lui demander comment elle lui était parvenue et par qui. Elle n'en eut pas la force, et il continua. J'étais encore auprès du père lorsque M. Mortimer est arrivé en poste chez moi pour m'amener ici. On m'a envoyé chercher. Il m'a informé très exactement de tout ce qui s'était passé, car il savait, à n'en pouvoir douter, que je n'ignorais pas la véritable cause d'où provenait tout le mal. Je lui ai dit l'embarras où je me trouvais, ne sachant comment je ferais pour quitter son père. Il a été extrêmement inquiet lui-même lorsque je l'ai informé de sa situation. Nous sommes convenus qu'il serait inutile de vouloir lui cacher l'indisposition de Mme Delville, que son retard et 1000 autres accidents pouvaient lui faire connaître. Il m'a donc chargé de le prévenir à cet égard, afin qu'il consentît à mon voyage, et de le tranquilliser en même temps, en l'assurant que ce qu'il avait craint n'aurait point lieu, et que tout était absolument rompu. Il s'arrêta et fixa Cécile pour voir l'effet que ces derniers mots produiraient sur elle. « Tout est fini, monsieur, dit-elle avec fermeté, mais vous ne m'avez pas encore parlé de votre commission. Quelle est-elle et qui vous en a chargé ?»« Je suis convaincu qu'elle devient inutile, répondit-il, puisque tout ce qu'on peut exiger du jeune homme est qu'il obéisse, et vous ne pouvez rien faire de plus que de renoncer à lui. » Cependant, si vous êtes chargé d'une commission, il me paraît qu'il conviendrait que vous vous en acquittassiez. Puisque vous le voulez, la voici. Monsieur Delville, ayant su que je venais ici, et informé des assurances que son fils m'avait données, s'est trouvé soulagé, mais point encore satisfait. Il a refusé de le voir, et la défense a été des plus sévères. Il m'a enjoint de vous dire... C'est donc de sa part que vient cette commission ? S'écria Cécile, déconcertée. Oui, dit-il, car le fils, après sa première confidence, a eu la prudence et la discrétion de ne pas vous nommer une seule fois. Je suis charmé, répondit-elle, de ce que vous m'apprenez. Mais que vous a dit, monsieur Delville ? Il m'a recommandé de vous assurer qu'il fallait que vous ou lui renonçassiez à revoir son fils. Il était inutile, s'écria-t-elle en rougissant, de vous donner une pareille commission. Je ne compte point le revoir et il ne le souhaite plus lui-même. Je ne veux pourtant pas lui répondre, ni lui rien promettre. Je n'ai pris d'engagement qu'avec madame Delville. Quant à lui, quelles que soient ses volontés, je me croirai toujours parfaitement libre. Mais vous pouvez être persuadé, monsieur le docteur, que si son fils, avec son nom, avait encore hérité de son caractère, le désir qu'il aurait de nous séparer serait à peine égal au mien. Je suis fâché, ma belle jeune demoiselle, reprit-il, de vous avoir causé le moindre chagrin. Je ne saurais pourtant qu'admirer votre courage, et je suis persuadé qu'il vous mettra en état d'oublier les petits désagréments que vous avez essuyés. Dans le fond, qu'auriez-vous à regretter ? J'avoue que Mortimer Delville est un jeune homme qu'aucune femme ne dédaignerait. Mais toutes les femmes ne peuvent pas l'avoir, et vous êtes celle qui doit le moins regretter sa perte. À peine existe-t-il un autre homme sur la terre que vous ne puissiez prendre ou rejeter à votre choix. Quelque peu consolant que ce discours fût pour Cécile, elle sentit que sa situation lui interdisait toute espèce de plainte, et elle mit fin à cette conversation. Je retourne un moment auprès de madame Delville et je sors. Je reviendrai demain matin pour savoir comment elle aura passé la nuit. Je laisserai quelques instructions et partirai tout de suite avec M. Delville. Il compte pourtant revenir ici au bout de 8 jours afin de conduire sa mère à Bristol. En attendant, je me flatte de parvenir à le réconcilier avec son père, dont les préjugés sont plus enracinés et plus invincibles que jamais. Il serait étrange, dit Cécile, que dans cette circonstance leur réconciliation fût si difficile. Cela est vrai, mais il y a bien du temps qu'il n'est plus jeune. Il n'a jamais connu les passions tendres. Il les regarde chez son fils comme dérogeant à l'honneur de ses aïeux. Il faut avouer aussi que, s'il n'existait pas un petit nombre d'hommes de cette espèce, il resterait à peine une seule famille dans le royaume qui peut remonter jusqu'à son bisaïeul. Quant à moi, je ne suis point de ce caractère. Mais au reste, quoique celui de M. Delville me paraisse étrange, je ne le trouve pas plus ridicule que celui de beaucoup d'autres. Par exemple, celui de votre oncle ne l'était-il pas pour le moins autant ? Il était aussi entiché de son oncle que si, comme M. Delville, il en eût hérité en droite ligne des rois saxons. Cécile sentit la force de ce raisonnement, mais voulant éviter toute discussion, elle ne répondit rien. Et le docteur, après quelques excuses pour ses amis Delville et pour lui-même, alla voir de nouveau la malade.